partir de ce moment, soyez les bienvenus. Bonjour, soyez les bienvenus. Vous entendez la radio Pocahou internationale. Je suis Melissa Suarez El Real. Je suis très contente de vous accueillir. Cette semaine, on va continuer avec la deuxième partie du programme qui a commencé la semaine dernière. Ce programme est dédié au projet de commissariat de musique ambientale pour la chaîne de magasins de meubles IDEA, propriété de la famille Cato. Pendant la semaine dernière, à la dernière émission, on vous a raconté l'importance de cette chaîne au Pocahou, où elle crée beaucoup de postes de travail, et aussi de la façon dont les caves ou les travailleurs qui gardaient leurs prototypes des meubles sont devenus des maisons d'exhibition, mais qui abritent d'ailleurs à des vraies familles. Pas mal de monde profite le week-end pour aller à ces magasins acheter des meubles, et bien sûr aussi de visiter les foyers où parfois on peut goûter la nourriture la plus surprenante grâce aux origines métisses des familles. C'est pour ça que le projet de créer une ambiance musicale pour les magasins n'était pas si facile. Mais heureusement, on est très fiers du résultat. Et M. Thomas Cato, l'héritier de la chaîne de magasins, lui aussi est très satisfait, à différence de José Feliciano qui chante cette version de « I can't get no satisfaction ». That scrambles my imagination. I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, hey, hey. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. So I try, and I try, and I try, and I try. How white my shirts could be. Oh, well, he can't be a man, 'cause he doesn't smoke the same cigarettes as me. I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, hey, I can't get no. Hey, you know I can't get no. Yeah, yeah, yeah. On est de retour, vous avez entendu « I can't get no satisfaction » de José Feliciano. On parlait tout à l'heure de ce projet de commissariat musical pour la chaîne des meubles IDEA. Et bon, ce projet en fait était assez compliqué parce qu'il y a des gens qui habitent là-bas. On voulait bien sûr, on voulait pas les déranger ou empêcher la privacité des gens qui habitent là. Mais en même temps, on voulait aussi profiter de la multiculturalité que l'endroit propose. Et bien sûr, on voulait aussi montrer cette variété dans la musique qu'on a choisie. Il y a des gens de toutes les provenances, comme dans notre pays, et bien sûr, on voulait montrer ça avec la musique qu'on a choisie. Et comme cette variété culturelle se voit aussi dans les meubles, dans les mélanges de matériaux et des couleurs, bien sûr, les meubles permettent de se combiner entre soi de différentes façons. C'est pour ça qu'on a décidé d'inclure une chanson du groupe Des Léons. C'est un groupe américano-mexicain de rock. La chanson, c'est une chanson traditionnelle du Sefarad qui s'appelle Barminan. Una hija boba tengo, Barminan. Me la llaman del Jere, Barminan. Cuando sale a la plaza, me la hacen que pase, me la hacen que pase, me la hacen que pase. Se les mené el digidón. Eres de cortijo, madre, Barmina. Un fuego quería echar, Barmina. Que se queme mi querida, que no endeña a saludar, que no endeña a saludar, que no endeña a saludar, Barminan. Voici Barminan du groupe américain mexicain juif De León. C'est parti aussi de la sélection musicale que bon on a fait dans notre équipe de la Phonothèque Royale pour ce projet dont je parle tout à l'heure. Et en fait, pour ce projet, j'ai dû passer une très très longue saison dans les archives de la Phonothèque Royale. En fait, si vous ne la connaissez pas, bon, peut-être c'est le bon moment pour vous informer. C'est une très très belle phonothèque qui a la forme d'une spirale. Les dessins ont été conçus par l'architecte pocahontienne Joana Armus. Et dans cette spirale, bon, il est possible d'avoir une énorme quantité de fichiers, disques, etc. Et même dans un espace très très réduit. Il permet aussi d'accéder à des sons de différents sujets. Et il est possible de trouver de différentes musiques, des musiques qui appartiennent à la fois à deux ou trois catégories différentes. Mais en tout cas, la médiathèque royale est vraiment un exemple d'organisation et de l'information. En fait, il suffit de taper les mots qui nous intéressent et voilà, tous les résultats liés apparaissent, soit par instrument musical, soit par genre, soit par chanteur, soit par région. Il y a différents classements où il est possible de faire la recherche. Après cette saison à la phonothèque, et il fallait créer une base de données musicales adaptée aux besoins du magasin. Alors j'ai passé quelques semaines avec les familles qui habitent là, dans le magasin, pour voir quelles étaient leurs habitudes, quelles étaient leurs façons de jouer ou d'écouter de la musique. En fait, finalement, on a découvert que la musique devait sonner isolément dans chaque maison. Alors, on a travaillé avec chacune des familles et avec les données qu'ils nous ont fournies. Bien sûr, les familles avec des petits-enfants, on mettait une musique plus douce, calme. Pour les jeunes couples ou même pour les colocataires, on a choisi de la musique de soirée un peu plus animée. Et aussi, on a eu la chance de connaître pas mal de musique. En fait, je voulais vous laisser avec un autre morceau de musique d'une famille bulgare colombienne qui ils nous ont montré ce morceau. C'est un mix de chantelles entre Señor Coconut et Kojani Orchestras. Ça s'appelle Usti Usti Baba. Et j'espère que vous nous accompagnerez aussi dans la prochaine émission de Radio Pocahou International. Merci, à bientôt. L'ambassade de Pocahou en France et le ministère de Culture de Pocahou présentent Radio Pocahou International. 15 minutes de voyage radiophonique à travers le Pocahou. Un programme diffusé depuis Jucapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au cœur du Palais Royal. Radio Pocahue International finalise sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine!